Jean Bosco, Douiman. Bonsoir à tous, bienvenue à ce journal dont voici les grands titres. Le ministre des Relations extérieures dit que le Burundi devra s'en remettre à la communauté internationale pour contraindre le Rwanda à renoncer à son ingérence dans la politique intérieure du Burundi. Alain Aimé Nyamitwe, dans sa rencontre ce jeudi avec le diplomate accrédité à Bujumbura, a nié tout conflit entre Burundais et Rwandais, mais que le problème se situe au niveau des deux gouvernements, vous l'entendrez. Le parti PPD Girijambo, non encore reconnu par le ministère de l'Intérieur et dirigé par l'ancien porte-parole du président de la République, Léonidas Hatungimana, se dit prêt à répondre à l'invitation du facilitateur Benjamin Mkapa en vue de discuter des problèmes liés à la crise burundaise et pouvoir y apporter des solutions. Et le ministère de l'Intérieur vient de prendre acte du remplacement du docteur Jean Minani à la tête du parti Sawanyafro de Bunyakuri par Kefa Nivizi, qui demande aux organisations internationales d'être impartiales dans la recherche du retour à la paix au Burundi. Réaction exprimée sur l'endemain de la clôture de la première étape du dialogue inter-burundais mardi à Arusha en Tanzanie. Enfin, près d'une trentaine de femmes et filles ont été arrêtées ce matin par la police en commune Rugombo dans la province de Cibitoke alors qu'elles s'apprêtaient à se rendre à Bujumbura, leur destination finale étant les pays arabes où elles sont envoyées pour travailler comme femmes de ménage. Vous suivrez ce dossier dans ce journal. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. Rebonsoir, je venais de vous le dire, le gouvernement burundais saisira la communauté internationale pour contraindre le Rwanda à renoncer à son immixtion dans la politique interne du Burundi. Ce sont les propos du ministre des Relations extérieures du Burundi, Alain Aimé Nyamitwe, répondant aux questions des journalistes après son entretien avec les diplomates accrédités à Bujumbura. Le ministre Alain Aimé Nyamitwe souligne néanmoins qu'il n'y a aucun conflit entre Burundais et Rwandais, mais plutôt que le problème se situe au niveau des gouvernements des deux pays voisins. Écoutez le ministre Alain Aimé Nyamitwe. Nous l'avons toujours dit et répété que l'attitude du gouvernement de ce pays envers le Burundi n'est pas bonne. Nous le disons ouvertement, sans rien cacher, et c'est connu. Mais entre les Burundais et les Rwandais, il n'y a pratiquement aucun problème. C'est juste un problème entre le gouvernement burundais et le gouvernement rwandais. Ceci dû à la mesure prise par le gouvernement rwandais de s'ingérer dans la politique interne du Burundi et d'aider certains groupes mal intentionnés envers le Burundi. Ce n'est pas nous ceux qui disons cela. Les organisations indépendantes l'ont dit, les représentants de leur pays au Rwanda l'ont dit, même certains pays l'ont dit, incluses même les Nations Unies, dans deux rapports, dont le plus récent est celui de février. Donc ce n'est pas un doute, c'est clair. De notre part, nous avons toujours dit que, en tant que pays agressé par ce pays, nous saisirons la communauté internationale pour contrer ce pays à renoncer à faire ce qu'il est en train de faire. C'est un pays voisin, nous aimerions vivre en harmonie avec lui, mais ce n'est pas bon de continuer de faire ce qu'il est en train de faire. Le ministre Alain Aimé Nyamitwe, dont les propos ont été recueillis et traduits par Bernard Wanhukira. Le parti PPD Girijambo, non encore reconnu par le ministère de l'Intérieur et dirigé par l'ancien porte-parole du président de la République, Léonidas Hatungimana, se dit prêt à répondre à l'invitation du facilitateur Benjamin Mkapa en vue de discuter des problèmes liés à la crise burundaise et pouvoir y apporter des solutions. Il exprime sa satisfaction par rapport au début du dialogue inter-burundais qui vient de se tenir à Arusha en Tanzanie du 21 au 24 de ce mois de mai. Léonidas Hatungimana, joint au téléphone par Célestin Blaise Ndiokougaïo. Nous avons été satisfaits parce que le gouvernement de Bujumbura a pu y aller. C'est déjà un pas. Et nous sommes aussi heureux que le facilitateur a accueilli les desiderata des uns et des autres. Nous sommes conscients parce que parmi ceux qui sont allés là-bas, ont pu montrer aux facilitateurs que les invitations n'ont pas été bien adressées. Mais nous avons été beaucoup plus satisfaits du fait que le facilitateur lui-même a reconnu qu'il y a eu des acteurs qui n'ont pas participé et qu'il s'est décidé qu'il va les contacter pour qu'il puisse y avoir une contribution de leur part. Êtes-vous prêt à être écouté par le facilitateur Benjamin Mkapa? Même ceux qu'il n'avait pas invités, il va les rencontrer. Alors pour nous, nous sommes prêts à être reçus par le facilitateur afin de lui montrer notre position, de lui montrer nos contributions, de lui montrer notre voie que nous voudrions qu'il emprunte pour que la crise burundaise puisse trouver rapidement et très rapidement la solution qu'il faut. Est-ce que cette voie peut être nous révéler si ce n'est pas un secret? Il s'agit d'abord de bien ranger les invités dans trois groupes, deux groupes principaux, les pro-troisième mandat d'un côté, des Antilles, troisième mandat dans notre, et alors à notre groupe d'observateurs, des gens qui ne sont pas directement ou politiquement intéressés et qui observent et qui conseillent. La deuxième chose est parmi les points à l'ordre du jour, le premier étant d'épingler, diagnostiquer exactement les causes de cette crise actuelle et qui date du 25 avril 2015. Y aurait-il un clin d'œil que vous feriez à l'endroit du facilitateur Benjamin Mkapa vu le début de ces négociations? Les conseils qu'il reçoit doivent être considérés comme des conseils qui sont dictés d'une manière ou d'une autre par le pouvoir de facto de Bujumbura. Il devrait les mettre sur le même pied d'égalité que le conseil des Antilles, troisième mandat. Léonidas Hatungimana, président du parti PPD Girijambon, encore reconnu par le ministère de l'Intérieur. Je précise que c'est l'ancien porte-parole du président de la République. Et le parti Sawanyafro de Bunyakuri, Iragiyanda Daye, se dit aussi satisfait du début du dialogue inter-burundais. Son président, Niwizi Kefa, demande néanmoins à certaines organisations internationales d'être impartiales. Nous avons remercié le médiateur burundais ou le facilitateur burundais, le président William Benjamin Mkapa, et de la façon dont il a organisé et dont il conduit ce dialogue. Nous avons également remercié l'EAC par sa contribution que nous avons constatée et son secrétaire général. Nous avons également remercié l'appui ou l'aide de certaines organisations de la communauté internationale et certains pays étrangers qui par ailleurs ont envoyé les ambassadeurs ou envoyés spéciaux dans ces assises. Nous avons également remercié ces organisations tout en soulignant que nous n'avons pas été contents parce que certains d'entre eux montrent qu'ils ont un côté penchant et du côté des politiciens qui ont boycotté les élections de 2015. Nous avons demandé de continuer à aider le dialogue inter-burundais dans l'impartialité et en respectant la démocratie qui devrait permettre l'ascension au pouvoir par la voie des urnes sur le principe une personne et une voix pour empêcher que le pays sombre dans l'abîme et dans le chaos que nous observons dans certains pays. Niwizi Kefa, le nouveau président du parti Sawanyafro de Bunyakuri. Sachez que ce parti Sawanyafro de Bunyakuri, Iragiyanda Daye, est signataire d'une lettre conjointe adressée au médiateur juste après la clôture de la première étape du dialogue inter-burundais, mardi à Arusha, en Tanzanie. Dans cette lettre, des partis de la mouvance présidentielle, ou pris comme tel, dénonçaient la partialité de l'Union européenne et de l'Union africaine dans le processus, en se rangeant, disait-il, du côté de l'opposition radicale. Ce sont les partis prenant de Conseline Wigira et Fenel de Jacques Wigrimana, Radebou de Jean de Dieu Moutawazi, Frolina d'Adrien d'Aira Guigé, MSP Nginzo de Tite Boutchoumi, PMP de Guillaume Rousovio, PRP de Deo Rurengwa Mihigo, Piebou de Deon Sangani Yungami et Frodebou Nyakuri de Kefa Niwi, si je venais de vous le dire. Précisons que ce n'est que ce jeudi, aujourd'hui donc, que le ministère de l'Intérieur a pris acte du remplacement du docteur Jean Minani à la tête du parti savanien Frodebou Nyakuri. Le nouveau président, je le disais, de cette formation politique s'appelle Kefa Niwizi. 29 femmes et filles ont été arrêtées le matin de ce jeudi à Rugombo, en province de Cibitoke. Elles ont été interceptées alors qu'elles se rendaient au siège de la société Royal Services pour signer des contrats avant d'être envoyées en Arabie Saoudite, nous indiquent les informations recueillies sur place. Le directeur général de cette société indique qu'il ne connaît pas ces femmes. Cependant, Nyonguru Ali reconnaît que Royal Services possède des agents partout dans le pays pour recruter des femmes et filles qu'elle envoie travailler en Arabie Saoudite comme femmes de ménage. On écoute Ali Nyonguru. Il répond aux questions de Joseph Savuyavandi. Les 29 femmes n'émanent pas de nos bureaux. Parce que qu'est-ce qui se passe quand nous recrutons? C'est que nous avons des agents du bureau qui portent nos badges et qui ont les qualifications requises pour faire ce travail. Et si jamais nous sous-traitons pour le recrutement, nous donnons à ces sous-traitants une ordre de mission qu'ils présentent dans tous les bureaux requis de cette commune, de cette province, de ce lieu, pour qu'ils ne puissent pas avoir ce genre de problème qui subvienne. Ça signifie que vous recevez les femmes qui proviennent de toutes les provinces du pays. Royal Service a ses bureaux à Bujumbura, mais Royal Service est une société burundaise pour les Burundais. Royal Service s'étend sur l'étendue du pays. Nous avons des points focaux sur tous les pays, dans toutes les provinces, qui sont aptes et adéquats pour faire ce travail de recrutement. Les filles et femmes que nous recrutons, premièrement, doivent être âgées entre 21 et 35 ans. Ces filles-là viennent à nos bureaux, se présentent avec leur carte nationale d'identification pour qu'on puisse voir d'abord que leur âge est conforme. Et puis après, nous leur présentons un document qui atteste ce que nous voulons de leur part. Photo d'identification, attestations d'identité complète, leurs attestations de résidence et autres. Donc, après que cela soit fait, elles passent à la procédure d'examen d'aptitude physique. Après que les examens d'aptitude physique soient conformes, elles viennent faire une formation. Ce qui leur incombe, quel est leur travail, qu'est-ce qu'elles devront faire, quels sont leurs droits. Et les psychologues veillent à voir que ces personnes-là savent exactement ce qu'elles vont faire. Et ils veillent aussi à voir que ces personnes-là sont adéquates. Est-ce qu'on peut savoir quoi comme travail elles vont faire en Arabie Saoudite? Nous sommes en train de recruter des femmes de ménage. Bien entendu, plus tard, nous aurons plusieurs autres postes. Mais là, maintenant, nous sommes en train de recruter des femmes de ménage. Est-ce que vous avez les moyens de suivre ces femmes une fois arrivées à l'Arabie Saoudite pour voir si leurs droits sont garantis là-bas? Nous sommes une société qui travaille dans les normes. Nous avons une société sœur qui est en Arabie Saoudite, a aussi des ressortissants burundais qui sont sur place, qui suivent en détail le bien-être de nos recrues. Et nous travaillons en connivence avec l'ambassade du Burundi là-bas pour que nous faisons en sorte que leurs droits soient respectés comme il se le doit. Niyonguru Ali, c'est le directeur général de cette société Royal Services. Dans la suite de ce journal, l'association Action de lutte contre la malaria, Luma en sigle, a repris ses activités arrêtées il y a presque une année. La responsable du centre de santé de cette association appelle la population des environs et celle d'ailleurs de venir se faire soigner à ce dit centre de santé. Le point avec Jean-Marie Nibigira, stagiaire à notre station. L'association Action de lutte contre la malaria à Luma a repris ses activités. Cette association est connue grâce à ses actions d'examiner et de soigner les malades du paludisme, surtout les vulnérables. La représentante du centre de santé, Madame Marie-Rose Girkwishaka, explique que le centre de santé avait fermé ses portes faute de moyens financiers. On nous a dit que cette fois-là, on ne va pas nous donner l'argent pour payer le personnel, parce que l'argent qu'on nous donnait, donc le don que nous avons, surtout c'est pour payer le personnel. Comme on avait dit qu'on ne nous donne pas le subside pour payer le personnel, on nous a appelé comme ça même pour nous dire que nous pouvons commencer. Les malades saluent la réouverture des activités de ce centre de santé. Nous avons eu un grand problème parce que, regardez, si on est tombé malade, bon, il y avait d'abord les frais de placement, c'est-à-dire aller à la clinique et acheter les médicaments sans être diagnostiqué, retard, tout console, ça nous a causé vraiment des problèmes. Oui, c'est un centre vraiment qui nous aide beaucoup, parce qu'avec de l'argent que nous payons, c'est-à-dire 500 francs quand il s'agit d'une personne adulte, puis un enfant de moins de 5 ans paye une centaine, vous voyez ça, c'est pas grave. Même si on manque les 100 francs ou bien les 500 francs, il y a moyen de demander et cet argent est cohabité. Signalons que ce centre de santé accueillait avant sa fermeture entre 150 et 250 patients par jour. La directrice de ce centre de santé appelle la population des environs et sert d'ailleurs de venir profiter des soins médicaux offerts par le dit centre de santé. Merci Jean-Marie. Les travaux de reconstruction du pont situé sur l'avenue du Large ont commencé. Le directeur général des travaux publics et de l'équipement explique que ces travaux prendront 3 mois. Ingénieur Vincent Nibayoubahé recommande aux Burundais de s'occuper de l'environnement en reboisant les bassins versants. Aujourd'hui, on peut déjà faire un souffle de soulagement parce que les travaux vont commencer. Ça a été tardé par la construction du pont provisoire qu'on appelle déviation pour que pendant les travaux, les gens puissent avoir là où passer. C'est vrai, le pont est fait par des buses métalliques, mais je pense que ça va aider même à long terme parce qu'après la construction du pont en béton armé, la déviation ne va pas être détruite, ça va rester là-bas indéfiniment et pour qu'en cas d'embouteillage, les gens puissent s'en servir. Non seulement en cas d'embouteillage, il y a des camions qui s'y vont dans la rivière Mora pour extraire des matériaux de construction, en l'occurrence le sable et le gravier. Et ces camions peuvent en utiliser pendant que les autres utiliseront le nouveau pont qui sera construit en béton armé. Ce qu'on observe maintenant, c'est la conséquence des bassins versants qui ne sont pas bien entretenus. Vous savez, les montagnes qui se plombent la ville de Bujumbura, ce sont des montagnes qui sont nues, qui n'ont rien comme arbre, qui n'ont rien comme herbe. Alors, avec l'activité humaine, rentre dans la catégorie des travaux qui dégradent l'environnement. Alors, à tous qui nous entendent, il faut qu'ils nous aident, sans toutefois oublier l'administration de base, il faut qu'ils nous aident à sensibiliser la population pour qu'ils puissent s'approprier la notion de l'environnement. La plantation d'arbres arbres sur les montagnes protègent et nos champs et nos ouvrages hydrauliques. Vous comprendrez bien que l'argent qui sera utilisé pour la construction de son pont pourrait être utilisé pour la construction d'une école quelconque ou d'emballage hydroélectrique. Et vous voyez que maintenant, à cause de ces inondations, à cause de ces bruits d'hygiène, à cause de notre négligence, parce que on a négligé tout ce qui est environnement, et voilà que les conséquences maintenant commencent à tomber sur nous, et voilà que tout le monde va en souffrir. Ingénieur Vincent Nibayouwahé, directeur général des travaux publics et de l'équipement. La pénurie de sucre est signalée en province de Guitégaï, sachet à un prix avoisinant 2700 francs burundais le kilogramme. Au moment où le sac est vendu à 125 000 francs bourg, comme l'affirment différents commerçants du centre-ville de Guitégaï, c'est les consommateurs de sucre dans cette province du centre du pays parlent de spéculation puisque l'approvisionnement se fait régulièrement une fois le mois par la Sosumo. Correspondance, Arthur Kavabouche. Dans différentes boutiques de la ville de Guitéga, la rareté du sucre est une réalité. Certains commerçants disent qu'ils viennent de passer plus d'un mois sans avoir le sucre. Les autres affirment qu'ils parviennent à en avoir difficilement et à un prix exorbitant. Ces commerçants indiquent que ceux qui vont chercher ce produit à la Sosumo, quand ils arrivent, ils ne les coulent pas en totalité comme convenu et qu'ils le donnent à un petit nombre de commerçants. Il faut savoir que le reste du produit est vendu frauduleusement et à très cher. Comme dans la province de Guitéga, il n'y a que deux commerçants grossistes qui vont chercher le sucre à la Sosumo, l'un a souligné qu'ils vont s'approvisionner chaque fin du mois et qu'ils vendent le sac au prix officiel. Il a également fait savoir que chaque grossiste a une liste de commerçants détaillants à servir et que quand c'est au milieu du mois, leur stock est vide. La situation est telle qu'au moment où, du côté des clients, ils parlent de cette carence, ils disent que même s'ils parviennent à en trouver, le prix est assez élevé alors qu'ils se trouvent dans une grande misère. Une autre chose qui met en colère ces clients, c'est que ces grossistes cachent son produit dans le but de faire des spéculations durant les mois de juillet et août, du fait que dans cette période, le sucre est très rare. Arthur Kavabouchi, Gitega, Radio Isanganiro. Merci Arthur. Une nouvelle brève avant la refermeture de ce journal. Deux pêcheurs sont morts noyés dans les eaux du lac Tanganyika et un troisième est porté disparu. Les corps sans vie des victimes ont été repêchés ce mercredi dans la partie de Ruziwa. Les pêcheurs qui les ont repêchés indiquent que la pirogue des victimes a été renversée par un hippopotame. La Croix-Rouge, section œuvrant dans cette localité, conseille aux usagers du lac de porter des gilets de sauvetage dans le but de réduire les victimes des accidents qui se passent dans les eaux. Les grands titres avant de refermer ce journal. Le ministre des Relations extérieures dit que le Burundi devra s'en remettre à la communauté internationale pour contraindre le Rwanda à renoncer à son ingérence dans la politique intérieure du Burundi. Alain Aimé Nyamitwe, dans sa rencontre ce jeudi avec les diplomates accrédités à Bujumbura, a nié tout conflit entre Burundais et Rwandais, mais que le problème se situe au niveau des deux gouvernements. Le parti PPD Girijambo, non encore reconnu par le ministère de l'Intérieur, est dirigé par l'ancien porte-parole du président de la République, Leonidas Atungimana, se dit prêt à répondre à l'invitation du facilitateur Benjamin Mkapa en vue de discuter des problèmes liés à la crise burundaise et pouvoir y apporter des solutions. Et le ministère de l'Intérieur vient de prendre acte du remplacement du docteur Jean Minani à la tête du parti Sawanyafro de Bunyakuri par Kefani Wizi, qui demande aux organisations internationales d'être impartiales dans la recherche du retour à la paix au Burundi. Réaction exprimée au lendemain de la clôture de la première étape du dialogue inter-burundais, c'était mardi à Arusha, en Tanzanie. Et près d'une trentaine de femmes et filles ont été arrêtées ce matin par la police en commune Rugombo de la province Cibitoke, alors qu'elles s'apprêtaient à se rendre à Bujumbura, leur destination finale étant les pays arabes où elles sont envoyées pour travailler comme femmes de ménage. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à Albert Ndouaye pour la mise en onde au micro. Jean Bosco Ndouimana. Une bonne soirée.